Le plus grand amour est mort. Celui que je croyais éternel. Ses yeux que tu adorais jadis sont des étangs secs, sans poisson, sans vie. Mes murs, jadis si admirés, si solides, reposent en ruine par ta trahison ou ton abandon. Tes soldats de Rome et de Carthage dévastent mes ruisseaux et mes vallées fertiles. À l'âge de 34 ans, tu as rejeté ma fidélité, croyant des rumeurs et des témoignages étranges, des vagues silencieuses que tu as laissé mûrir. Ma vie jadis chant chorale est un staccatant d'adieu mélancolique, chant de bataille de notre empire en déclin. Cage ouverte que les rossignols désertent. Je ne t'ai jamais caché qu'en ma jeunesse j'ai convoité des images étrangères. Mais tu diras que ma plus grande faute fut d'avoir toujours été sincère avec toi. À 38 ans révolus, tu méprises aujourd'hui ma fidélité et les formes et dimensions de la mélancolie. Rugissent comme les vagues dans ma mer. Tourmentée.